Lettre 25e, Evelina à Monsieur Villard, Howard Grove, 25 avril. Non, mon cher monsieur, l'ouvrage de tant d'années n'a pas été détruit. Il subsiste toujours tel qu'il était, et j'espère que 15 jours passés à Londres ne m'auront pas rendu indigne de vos soins paternels. Cependant, je dois l'avouer, je ne suis plus aussi heureuse que je l'étais avant mon départ pour la capitale. Mais ce n'est pas moi qui ai changé, c'est l'endroit de notre séjour. Depuis l'arrivée du capitaine et de Madame Duval, Howard Grove n'est plus ce qu'il était. L'harmonie qui régnait est troublée, nos projets sont renversés, notre manière de vivre altérée, tous nos plaisirs détruits. Mais ne croyez pas, monsieur, que ce soit Londres qui a causé tant de dégâts. Non, avec des hôtes tels que ceux que nous avons amenés, ce changement était inévitable. J'étais sûr que vous seriez mécontent de Sir Clement Willoughby, et je ne m'étonne nullement de ce que vous en dites. Mais quant à Mylord Orville, je craignais bien que la faible esquisse que j'en ai tracée ne suffirait pas pour vous donner une assez haute idée de son mérite. Je suis ravi, cependant, d'avoir réussi à lui concilier votre amitié. Ah, si j'avais pu rendre justice à toutes ses bonnes qualités, si j'avais pu vous le représenter tel qu'il paraît à mes yeux, combien vous lui accorderiez d'estime. À l'exception d'une violente querelle entre le capitaine et Madame Duval, il ne s'est passé rien d'essentiel avant notre départ. M. Mirvan s'était proposé de faire la route à cheval, et nous autres femmes, nous devions être placées dans son carrosse. Madame Duval se fit attendre longtemps, elle arriva enfin, accompagnée de M. Dubois. Le capitaine, qui avait eu tout le loisir de s'impatienter, voulut qu'on partît à l'instant même. Nous montâmes d'abord en voiture, et Madame Duval, appelant M. Dubois, lui dit « Venez, monsieur, il y a encore une place pour vous à côté de ces demoiselles. » Et après nous avoir fait quelques excuses de ce qu'il nous gênerait, il s'assit entre Miss Mirvan et moi. Le capitaine ne se fut pas plutôt aperçu de cet arrangement qu'il s'approcha de la portière en s'écriant « Comment ? Sans nous en avoir demandé la permission ? Voilà sans doute une coutume française, mais voulez-vous que je vous en montre une à l'anglaise ?» Et prenant M. Dubois par la main, il le fit sauter à bas de la voiture. M. Dubois tira aussitôt son épée pour venger cet affront, et le capitaine leva sa canne pour se défendre. Madame Mirvan se jeta entre les deux combattants, et elle pria son mari de rentrer dans la maison. Toutes ces représentations furent inutiles. Le Français criait à haute voix, dans sa langue, qu'il demandait raison de l'offense, et M. Mirvan lui répondait en anglais par des jurements. Madame Mirvan vint cependant à bout d'apaiser M. Dubois. Il se montra le plus sage et se retira après nous avoir souhaité un bon voyage. La dispute recommença de plus belle entre le capitaine et Madame Duval, et il fallut encore l'entremise de Madame Mirvan pour mettre d'accord ces deux têtes échauffées. Enfin, le capitaine monta à cheval et nous partîmes tous. Madame Duval garda sa colère tout le long de la route. De mon côté, je fus fort tranquille. Je ne pus m'empêcher de faire un retour sur moi-même. Hélas, mes dispositions étaient bien différentes de ce qu'elles étaient le jour de mon arrivée à Londres. Lady Howard nous fit l'accueil le plus amical. Son château est le séjour du bonheur, pour peu qu'on ait envie de le trouver. Adieu, mon cher monsieur. J'espère que vous aurez eu la bonté, sans que je vous en ai prié jusqu'ici, de me rappeler au souvenir de tous ceux qui vous demandent de mes nouvelles.